Privilège pour moi ce matin de pouvoir partager avec vous Jésus et nous avons son cœur en nous. Et puis avant d'aller plus loin, vraiment, je vais vous saluer dans le nom de Jésus ce matin de façon familiale dans la maison de Dieu. Et je vais aussi profiter encore au nom de toute l'Assemblée, encore souhaiter nos la consolation du Saint-Esprit se répandre dans les cœurs. Donc vraiment, je crois que Dieu est fidèle et à travers tous les partages depuis cette semaine, on peut voir que Dieu vous soutient et il va continuer de le faire. C'est sûr que c'est un processus, comme on dit, dans le deuil. Alors que chaque jour, Dieu vous accorde le réconfort dont vous avez besoin. Amen. Amen. Alors, c'est ça. Ce matin, avant de commencer, je vais prier pour relâcher mon âme aussi. Afin que ce temps soit bénéfique pour chacun de nous. Amen. Merci Seigneur pour cette opportunité de pouvoir me tenir devant mes frères et sœurs et de pouvoir partager un moment de grâce, un moment d'amour, Seigneur, un moment de ta fidélité, Seigneur Jésus, pour chacune de nos vies. Je viens demander à ton Esprit Saint de se répandre au milieu de nous et de prendre, Seigneur, le contrôle de chaque élément qui va être partagé ce matin. Que ton Esprit, Seigneur, se meut au milieu de nous et que nos cœurs soient des cœurs, des vases pour recevoir ton cœur, pour recevoir tes désirs, tes fardeaux, parce que tu nous as appelés à collaborer avec toi. Et c'est un privilège ce matin. Merci, Saint-Esprit, d'être là, de répandre ton huile sur nos vies, sur nos têtes. Nous t'accueillons. Prends place au nom de Jésus. Amen. Il y a trois points principaux que je veux que vous reteniez. C'est sûr que je vais commencer avec la présentation Caleb. Et quand on parle d'orphelin, on parle de compassion de Dieu. Et sa compassion, il nous le donne et nous permet à nous d'être vraiment le transport de cette compassion vers les autres. Donc, la compassion est à travers ce ministère et aussi le point sur l'exhortation que je vais apporter ce matin est sur l'affermissement. Et dans ce cheminement de l'affermissement, on va parler aussi de la persévérance qui est inévitable pour nous si on veut arriver au ciel. Amen. Donc, ce sont ces trois points forts que je voudrais partager à travers, en tout cas cet avant-midi. Donc, avant tout, je veux. Oui, mon nom c'est Lydie. Lydie et Seigneur, je viens du Bénin, du nord du Bénin, et je viens d'une grande famille de 12 enfants, 11e de la famille. Ma mère a eu 6 filles, 6 garçons. Je suis la 6e de filles, donc l'avant-dernière du groupe. Mais on est 10 maintenant parce qu'il y a 2 qui sont décédés. Et puis voilà. Le Bénin, donc c'est vraiment un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui connaissent un peu la géographie, c'est entre le Nigeria, on est frontalier au Nigeria, au Burkina Faso, et le Togo, le Niger. Donc, c'est les pays vraiment proches du Bénin. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais lire vraiment le passage d'Ésaïe 58, qui va quand même brosser en bonne partie le cœur de Dieu par rapport à cette mission que nous sommes en train de faire. C'est un passage qu'on connaît, mais c'est toujours bon qu'on se rafraîchisse la mémoire et l'esprit selon le cœur de Dieu. Amen. Donc, c'est Ésaïe 58, versets 6 à 12. C'est un peu long, mais on va le lire quand même. On est là pour offrir au Seigneur ce matin, recevoir. Amen. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras Et l'Éternel répondra, amen. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. C'est un passage vraiment qui résume combien Dieu veut voir des cœurs prêts à libérer d'autres personnes du joug qui les tient captifs. Et on peut énumérer tellement divers jougs dans ce monde qu'on connaît, qu'on entend parler de situations horribles. Mais nous, nous avons cette grâce en Jésus de pouvoir être en mesure de tendre la main, de sortir l'homme, de sortir une multitude des jougs de Satan. Nous savons que c'est l'oppression spirituelle qui garde les gens captifs et les plonge donc dans leur souffrance. Mais nous étant libérés, ayant la force de Dieu en nous, la capacité aussi de tendre notre main, alors Dieu, il n'y a plus de pouvoir partager avec nous les désirs de son cœur, les compassions de son cœur, afin qu'on puisse aussi transmettre cela et sortir ces gens du joug. Il n'y a plus parce que pour lui, il ne veut pas travailler seul, on le sait de tous les temps, Dieu a voulu travailler toujours par des hommes et des femmes comme nous. Amen. Et ainsi, je vais partager un peu comment est né ce projet. Donc, on va suivre le PowerPoint. Donc, voilà, moi puis mon feu mari, alors, pasteur Richard, donc, qui est le père de mes trois premiers enfants. Donc, j'ai eu mes trois premiers enfants avec lui. Donc, on a œuvré vraiment comme missionnaire. On a tout un parcours avant notre rencontre, mais on s'est rencontrés à Jeunesse en Mission. Alors, j'ai travaillé dans le staff, donc pour l'encadrement des étudiants qui venaient. Donc, j'ai travaillé 7 ans avec Jeunesse en Mission à plein temps. Donc, depuis l'âge de 17 ans, je suis partie en mission pour ma formation d'école de disciples. Et là, ben, je crois que Dieu m'avait dirigé là. Alors, pour la formation de plusieurs jeunes qui venaient d'un peu partout. Et j'étais à la troisième école où j'étais staff quand Richard est venu faire son école de disciples. Donc, j'ai été son responsable durant les 6 mois de formation. Et l'année suivante, il a postulé pour être aussi staff à Jeunesse en Mission pour l'école de disciples. Et quand tu viens, ta première année, tu as besoin de quelqu'un qui a quand même une année ou 2 années d'expérience pour être à tes côtés. Il y a toujours 2 responsables pour encadrer un nombre d'étudiants. Et on devait faire aussi un voyage missionnaire ensemble. Donc, c'est ainsi que l'année où nous avons travaillé ensemble comme staff pour les étudiants, c'est là que s'est développé notre amour. Mais ça c'est une étape que je pourrais partager un autre moment. Il y a eu beaucoup de choses. En tout cas, j'avais tellement de critères. Donc quand j'ai dit oui finalement, ma condition c'était de savoir quel était son cœur par rapport à ce fardeau qui était sur mon cœur. En fait, je veux dire, Dieu avait déjà déposé cette vision sur mon cœur de pouvoir prendre soin des enfants en difficulté. Alors, j'ai grandi dans une famille de 12 enfants et on était plus que 12 dans la famille. Ma mère était enseignante, mais mon père, en tout cas, on était plusieurs enfants. Et moi, j'ai grandi avec plusieurs enfants. Je pensais des fois que c'était mes cousins, cousines, mais par la suite, j'ai su que c'était des enfants que maman prenait en charge parce que elle avait étudié en nutrition puis elle pouvait aider des enfants. Et souvent les enfants en bas âge de 0 à 5 ans sont souvent victimes. Bon, victimes de malnutrition. Ils vont avoir une ventre ballonnée parce qu'il n'y a pas beaucoup de vitamines. Donc, les ventres sont ballonnées. Et puis, vraiment, là, ils vont mourir s'il n'y a pas une situation adéquate au niveau de la nutrition pour restaurer le système immunitaire. Donc, ces enfants sont souvent des orphelins parce que souvent, quand la maman décède, il n'y a pas moyen de pouvoir en prendre soin. Là-bas, c'est le lait maternel jusqu'à 12 mois. Après 12 mois, on commence les nourritures solides. Donc, vraiment, le lait maternel est tellement important à cet âge-là. Et dans certaines régions, ils ne connaissent pas le lait en pharmacie parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, ils n'ont même pas ça dans la tête. Donc, c'est soit que l'enfant, quand il perd sa mère, il est dépourvu, il va peut-être mourir entre 0 et 5 ans. Donc, maman prenait des enfants comme ça chez nous et puis jusqu'à ce qu'ils aient la capacité d'aller plus loin. Puis, à ce moment, puis le retourner à un membre de la famille ou sinon, il grandissait avec nous. Et alors, c'est comme ça que moi, j'ai vu ça et j'ai vu comment l'amour était là pour pouvoir prendre soin des autres. Le pire encore, c'est vraiment dans les situations d'enfants maltraités. Et j'en ai tellement vu dans nos pays d'Afrique, ça, en Haïti, en Afrique en majorité. Il y a une mentalité qui est là encore jusqu'à aujourd'hui et qu'on travaille à cela pour conscientiser les gens par rapport à la maltraitance. Donc souvent, des enfants victimes décèdent d'un parent proche qui était vraiment la source de revenus de la maison puis qui n'est plus là. Donc une famille... Les gens, ils ont souvent 10, 20 enfants. Ça dépend, hein, s'ils ont plusieurs femmes. Puis si le papa décède, ben, la source, ça coupe là. Donc, les mamans doivent se démerder pour prendre en charge le nombre d'enfants qu'elles ont. Peut-être elles ont 4, 3, 6. Donc, alors, dans ce moment-là, il faut vraiment trouver une solution. C'est soit de placer les enfants dans une famille ou les envoyer comme esclaves domestiques. Puis ils perçoivent un montant de $25 peut-être par mois pour prendre soin des enfants. L'enfant travaille chez toi comme esclave domestique, un membre de la famille vient recueillir $25 par mois comme salaire pour l'enfant. Il est logé, nourri, donc c'est tout. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants à partir de l'âge de 5 ans vont partir. Donc en esclavage pour travailler dans les maisons. Donc, quand moi, j'ai dit oui à Richard, je lui ai demandé une chose. Est-ce que tu es prêt à vraiment œuvrer dans ce domaine? Parce que moi, c'est ce qui brûle sur mon cœur. Il m'a dit, c'est là qu'il m'a raconté sa vie que je vais vous raconter parce que c'est des faits réels. Tout ce que je vais partager sur Caleb, c'est vraiment des faits vécus, comme on dit. C'est des situations vraies qu'on touche du doigt, qu'on voit, qu'on côtoie tous les jours. Alors, il m'a raconté sa vie, il avait l'âge de 9 ans à peu près quand il a perdu ses parents. Un a pleuré l'autre, là, mais à 9 ans, il n'y avait plus moyen, il n'y avait plus ses parents. Il était d'une grande famille, de frères et sœurs, mais quand ça arrive comme ça, chacun se débrouille pour survivre. Donc, ses frères qui étaient plus âgés avaient leurs femmes, leurs enfants en campagne au Burkina Faso. Ils venaient du Burkina Faso, du nord du Burkina Faso. Et voilà que à 9 ans, il était en 6e année, puis fini, il pouvait plus aller à l'école parce que le seul cahier qui restait, c'était le seul dans lequel il prenait tous ses cours. Et quand c'est fini, il y avait plus moyen d'avoir un autre cahier. Vous dire que vraiment, tu es dans une extrême de pauvreté, et une extrême pauvreté que tu peux pas vraiment, tu peux rien. Il y a personne qui est là. Chacun s'occupe de sa petite famille. Puis lui, il est là dans la maison familiale. Et puis, il voyait que ça n'allait pas. Bon, naïvement ou comment, je sais pas, il a décidé qu'il quittait la maison familiale pour s'en aller dans la grande ville. Dans la grande ville pour trouver une vie meilleure, essayer de peut-être travailler comme aide, comme en tout cas un boy là, pour des gens qui travaillent comme qui font de la cuisine. Bon, il va laver les chaudrons et puis gagner sa vie comme ça. Donc, il est parti de la famille. Après, tu sais, toute la famille savait plus où il était. Et malheureusement, pendant plusieurs mois, il est resté là, puis il dormait dans la rue, il dormait sur un banc après que la soirée est finie, parce qu'en Afrique, on a des petits restaurants de rue, là, et puis des bonnes dames ou des messieurs qui font la cuisine rapide, là, pour tous les passants qui ont faim, ils s'arrêtent, ils mangent, donc lui, son rôle, c'était vraiment de laver, il a supplié le gars pour faire ça, puis là, avec ça, il peut avoir un peu de riz à manger, il peut manger, puis parfois même, je vous dis, il ramassait un peu de la nourriture restant là, des autres assiettes, qu'il en fait une assiette complète pour manger. Donc, souvent ça, c'est exposé vraiment aussi aux maladies. Mais voilà la condition de vie dans laquelle il se trouvait. Et voilà qu'un jour, il y a un monsieur qui venait souvent par là manger. Il a observé, il a vu qu'il y avait ce jeune garçon qui était là, qui faisait ses travaux, le ménage, nettoyer les assiettes, tout ça. Bon, malheureusement, c'était un trafiquant d'enfants. Il a décidé qu'il lui a parlé gentiment, dit « Ah, mon petit garçon, écoute, ce serait bien, tu vois, j'ai un kiosque chez moi en Côte d'Ivoire. Le Burkina et la Côte d'Ivoire font frontière. Il dit, je vais t'amener chez nous et tu vas simplement, quand je ne suis pas là ou quand j'ai une course à faire, tu vas juste checker. Le kiosque, c'est comme un dépanneur. Là, c'est un dépanneur, donc il est là pour être là, pour accueillir le monde, puis vendre donc, à l'absence du gars. Puis lui, il se dit, oh, ben, ok, je vais y aller. Naïvement, fait qu'il part avec lui. Le gars, il sait comment traverser la frontière. Il y a beaucoup de ça qui se passe. Ils savent comment traverser la frontière avec des enfants qu'ils ont pris parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun membre de la famille, il n'y a personne qui les a vus. Donc, lui, il est parti avec cet enfant. Il l'a amené en Côte d'Ivoire, donc à l'autre bout. Donc, c'est comme un chemin de non-retour, en fait, parce que pour un enfant de 9-10 ans, tu sais pas comment revenir au Burkina, là, il faut venir en voiture, faut avoir de l'argent pour aller en voiture, donc rien à faire. Donc, il est parti avec lui, mais à sa surprise, il l'a amené directement dans sa ferme de café et cacao. Donc, le chocolat, là, qu'on mange, là, c'est un grand champ et ses fruits sont assez lourds quand c'est en train de mûrir, c'est assez pesant. C'est quand ça sèche que c'est un peu léger, mais quand on les cueille pour les faire sécher, c'est assez pesant. Donc, il l'a amené directement là-bas avec, il y avait des ouvriers, mais des adultes, là, qui étaient là. Et puis, lui, il faisait maintenant partie des manœuvres, là, pour travailler dans ce champ. Donc, déjà, il était vraiment dans une grande déception à savoir que, ce monsieur l'avait menti. Et du coup, il est devenu très rigide, très sévère envers lui, mais il pouvait rien faire. Donc, un peu comme ça, une image de ce genre. Donc, tu transportes des sacs comme ça de 50 kilos. Si tu peux pas, il faut deux adultes qui prenaient, en tout cas selon le témoignage de Richard, c'est deux adultes qui prenaient ça avec deux mains, ils posaient sur sa tête. Puis lui, il devait faire des va-et-vient. Son rôle, c'est comme faire le rôle du camion, là. Fait qu'il s'en va, il transporte, il décharge ça à l'autre bout. Et puis t'as pas le temps de pause, là. T'as pas de pause souvent, là. T'as la pause quand c'est midi. Parce que si tu fais la pause, là, ils vont te fouetter. Tu dis que t'es paresseux. Ils pensent pas que ton corps peut s'arrêter. Tu peux être fatigué. Donc, et c'est ainsi qu'il faisait ça pendant plus d'un an et demi. Il était dans la même tenue qu'il est venu du Burkina avec. Donc, imaginez l'état, c'était tout déchiré, était tout en flanelle, comme on peut dire. Et c'est ça. Donc, une fois, il était vraiment malade de malaria, il était vraiment malade. Puis, il n'y avait non plus rien. Tu peux juste trouver peut-être des Tylenol, là, chez nous, puis on lui donne un Tylenol. Mais la malaria, c'est plus que le Tylenol, il faut vraiment traiter la maladie. Mais là, tu es dans des conditions où tu peux même pas aller voir un médecin, rien. On te donne un Tylenol, puis bon, ça calme un peu la douleur, mais tu dois continuer. Et là, du coup, il a décidé de s'enlever la vie. C'est à 11 ans, 11 ans et demi. Il dit, là, cette vie n'a pas de sens. Déjà, mon père, ma mère, là, ils n'existent plus. Là, quoi bon, la vie, il vaut mieux l'arrêter, là, je ne vois pas d'issue. Il a pensé, il a planifié, parce que souvent, dans ce jeu, il y a souvent des lianes, hein, des cordes des arbres, là, donc tu peux juste se pendre avec ça. Donc, c'était ça son idée. Déjà, imaginez un jeune enfant à l'âge de 11 ans, 12 ans. C'est, on le voit ici dans les nouvelles, des jeunes enfants aussi qui s'enlèvent la vie. Hein, et c'est quelque chose là de méditer à ça et penser à le faire. Donc, c'est dans cela qu'il était en train de méditer, penser comment, une fois arrivé dans la forêt, il va s'enlever la vie. Et il va rêver. Il rêvait, il voyait vraiment quelqu'un qui était cloué sur un bois et que le sang coulait et tout ça. Il était vraiment dans l'agonie, tout ça. Dans leur enfance, ils allaient à l'église catholique, un peu à Noël, des affaires comme ça, mais pas plus que ça. Donc, c'est ainsi que lui, bon, en tout cas, il voyait cette personne qui souffrait comme ça dans son rêve. Et il y a une voix qui l'appelle Richard. Il se réveille, il n'entend rien. Il entendait vraiment une voix audible qu'il disait. Puis, il se réveille une deuxième fois, la voix qui le réveille dit, « Est-ce que ta souffrance actuelle est comparable à cette personne qui est en train de souffrir? » Bon, il s'est recouché. Puis une troisième fois, la voix l'appelle, « Richard, cherche à le connaître. » Donc, c'est tout ce qu'il a eu comme, en tout cas, révélation là, dans son rêve. Du coup, le lendemain, dans sa tête, il s'est dit, bon, c'était le samedi, le lendemain, il a demandé à ce monsieur-là, est-ce qu'il y a une église à côté ici? Le monsieur dit, oui, il y a une église dans le village voisin. Mais c'était un village voisin, mais c'était 7 kilomètres à pied. Fait qu'il s'est dit, bon, il a fait 7 kilomètres à pied pour aller. Arrivé là-bas, il dit, j'étais là, mais tous mes vêtements étaient déchirés. J'essayais de tirer un peu pour cacher ce qu'il faut cacher, mais je suis rentrée. Quand je suis arrivée, le culte était déjà fini. Donc, le culte était déjà fini, mais le pasteur finissait sa prière, puis il voyait un jeune qui rentrait. Et automatiquement, quand il a fini, il est allé le voir. Il dit, Dieu m'a dit d'aller te voir, raconte-moi ta vie. Et c'est là qu'il lui raconte le scénario de sa vie jusque-là. Et le pasteur lui a expliqué que c'était Jésus qui se révélait à lui et que Jésus voulait lui préserver la vie et que Jésus avait donné sa vie aussi pour lui à la croix. Donc, il a fait recevoir Jésus dans sa vie. Et c'est ainsi que, quand il pouvait, il venait là à l'église. Et à un moment donné, il y avait un autre pasteur qui est venu prêcher là. Et ce pasteur était aussi du Burkina Faso, mais il avait un grand cœur. Et quand il l'a vu, bon, je crois que l'autre pasteur lui en a expliqué la situation de ce jeune homme. Puis lui, il a eu à cœur, il dit, mon garçon, est-ce que tu veux que je te prenne comme mon fils? Il dit, est-ce qu'on peut prendre quelqu'un comme son fils à l'âge de 13 ans, 12 ans, comme ça? Il dit, oui, je veux prendre soin de toi dans ma famille. Et c'est ainsi qu'il a dit oui. Et ce pasteur, donc, des Assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire, l'a pris chez lui. Et il l'a élevé dans les voies du Seigneur. Et c'est là qu'il a eu lui aussi sa vocation pastorale, sa vocation de servir Dieu. Il dit, oui, je veux servir Dieu comme toi. Donc, Dieu lui avait donné vraiment des dons de pouvoir jouer à la guitare. Et puis, bon, en Afrique, la plupart des églises, les pasteurs habitent l'église. Il y a toujours une maison, la maison. Maintenant, de moins en moins, ils comprennent que ça étouffe parce qu'à chaque problème, tu es toujours dans l'église. Donc, maintenant, de plus en plus, les pasteurs qui ont les moyens arrivent à économiser puis se construire quelque chose à l'écart. Mais c'est vraiment intense. À tous les jours, tu as la visite des membres à l'église. Donc, c'est comme tu n'as plus de vie. Mais c'est comme ça. Mais ils le font avec joie dans cette condition-là. Et c'est ainsi que lui, ben, il a côtoyé, il a grandi dans cette assemblée. Et après, il a eu la vocation de partir aussi à Jeunesse en mission plus tard. Et bon, la destinée de Dieu a fait que ce soit moi qui le rencontre. Et c'est ainsi que sa vie, pour lui, ayant été sauvée par quelqu'un d'autre, il avait aussi à cœur de donner la même chose. Et c'est sûr que chaque enfant qu'on va aider, oui, il y a une partie peut-être qu'ils vont passer à côté, mais en bonne partie, ils vont réaliser et aussi répandre la même chose aussi aux autres. Donc, c'est ainsi que on a décidé ensemble de pouvoir bâtir un centre qui pourra accueillir des enfants, faire la prévention pour protéger les enfants qui sont en situation de ce genre, parce que c'est tellement courant. Il y a eu plusieurs situations où des enfants ont été vraiment pris dans les pays côtiers là du Nigeria, tous les pays là qui font bord à la mer. Il y a des trafiquants qui venaient, qui prenaient des enfants. Parce que souvent il y a des pêcheurs aussi au bord de la mer. Ils vivent là, c'est des pêcheurs. Donc ils partent des fois, les vagues les emportent, ils reviennent plus. Donc les mamans sont comment? Elles sont laissées à elles-mêmes parce que c'est le papa qui amenait le poisson, puis les mamans vont vendre au marché pour avoir les sous. Donc, après ça, il n'y a plus de poissons, plus de ventes. Donc, la situation devient difficile. Et donc, ces enfants sont exposés. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Et donc, ils grandissent comme ça. Et voilà des trafiquants qui s'inspirent de cette situation pour pouvoir les dérober. Donc, et beaucoup d'enfants ont été pris dans des bateaux pour être emportés. Grâce à Dieu, en 1999, il y a eu deux bateaux au Bénin qui ont été interceptés, heureusement. Et ça contenait beaucoup d'enfants qui ont été pris du Nigeria, du Bénin, Togo, dans le but. Ils les emportent dans un autre pays. Ils peuvent l'amener dans d'autres pays d'Afrique, mais ils les éloignent vraiment de leur pays natal pour qu'on ne puisse pas les voir, les retrouver. Et là, ils peuvent vraiment user d'eux. Ils en font un trafic, un réseau où les enfants sont disposés pour les dons d'organes, et pour les pédophiles. Tu sais, il y a des pédophiles qui savent que, bon, s'ils sont coincés ici, ben, ils peuvent aller en tourisme, puis ils ont des réseaux où retrouver des enfants pour en abuser. Donc, et d'autres enfants, ben, c'est ça, ils sont esclaves domestiques chez quelqu'un, et ils sont vraiment exposés à l'abus, à la maltraitance, beaucoup de maltraitance. On les bat injustement, on les accuse injustement. Donc, finalement, un enfant comme ça, à un moment donné, peut essayer de fuir. C'est comme maintenant, on voit dans cette image, c'est une femme qui sort et qui a son bébé. Donc, elle a une petite esclave domestique qui va porter le bébé au dos pour faire le trajet. Donc, c'est ça, cette petite fille qui va faire le lavage des couches. Non, en Afrique, c'est les couches. Pour ceux qui sont aisés, maintenant, ils ont des couches jetables, mais sinon, c'est les linges là qu'on fait. Puis, donc, les petites filles-là vont laver ça et tout ça. Donc, c'est une situation assez fréquente, et c'est encore comme ça en bonne partie. Donc, mais de plus en plus, l'UNICEF et toutes ces organisations essayent de conscientiser le peuple, les gens, de tous ces maltraitants. Et ces enfants sont vraiment battus. Quand je dis battus, vraiment blessés. Quand je m'imagine que ma fille Adassa, à 7 ans, serait dans la maison de quelqu'un en train de travailler du matin au soir, et que les autres enfants de son âge jouent, et qu'elle a envie de jouer, qu'elle n'a pas le droit de jouer parce qu'elle doit faire du ménage, son enfance est volée et tuée d'avance, avant que la vraie mort n'arrive, parce que souvent, il y a beaucoup de choses, de rituels qui se font. Donc, si c'est un enfant comme ça qui est fatigué, des fois, il y a des cas que moi j'ai vécu, tu vois, un enfant battu parce que on l'accuse d'avoir volé, mettons, $2.50. OK? Et pourtant, ça peut être les autres enfants de la maison qui ont volé, puisqu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un qu'on peut accuser. Et automatiquement, si cet enfant-là, soit fille ou gars, c'est lui qui est accusé d'être voleur. Pourtant, ces enfants sont tellement dans la peur qu'ils n'osent même pas voler un grain de riz. Mais on les accuse injustement. Et ces enfants, donc, après, ils peuvent décider de fuir la maison parce que la maltraitance est trop. On peut te dire, va chercher ces $2.50, sinon tu ne reviens pas ici. Sinon tu ne manges pas. Va retrouver. Mais comment veux-tu retrouver $2.50 que d'abord tu n'as pas volé? Et qui va te le donner? Alors cet enfant se retrouve dans la rue en pleurant, espérant le secours de quelque part. Sans espoir. Mais j'ai vu ça, moi. J'ai dû donner de l'argent à la petite fille parce qu'elle vendait des affaires. On les envoie au marché, vendre des pommes ou bien des oranges. Puis des fois, les malhonnêtes, elles ne savent pas peut-être compter. Et des adultes malhonnêtes aussi, qu'est-ce qu'ils font? La petite compte mal. Au lieu de lui redonner, de l'aider à donner la bonne monnaie, ils prennent plus. Donc, ça fait un manquant dans ses comptes. Et quand elle vient à la maison, on compte le nombre, on voit que c'est pas suffisant, ben, c'est des coups de fouet. Et on l'oblige à sortir, à aller chercher cet argent. C'est une méchanceté. Voilà le cœur de l'homme. Méchant sans Jésus. Et moi, j'ai donné des sous à cette petite d'aller retourner. est encore là. Je ne sais pas ce qui est arrivé à elle. Hein? Donc, projet Caleb vraiment travaille pour la prévention et protéger ses enfants. Et je crois que Dieu, en voyant cela, son cœur est attristé. Et tout ça est venu à cause du péché. Mais en Jésus, Dieu veut réparer ces choses et que chaque personne puisse entrer dans sa destinée, quelle que soit la condition dans laquelle elle est née ou dans les conditions dans lesquelles elle est sortie, vraiment que cet enfant soit un être que Dieu, dans ses projets, avait déjà planifié, hein, une destinée bénie pour cet enfant. Bien qu'il sorte dans une condition difficile, Dieu déjà, on sait que dans le sein de notre mère, a déjà placé une destinée qui doit s'accomplir. Et nous sommes vraiment aussi ces personnes que Dieu va utiliser pour amener une personne dans sa destinée, d'où ces enfants innocents qui ont besoin qu'on soit une voix pour eux. Donc, les enfants qui fuient de la maison, ils sont exposés aussi, comme je dis, aux trafiquants et des rituels, des gens qui ont des rituels de sang. Ils peuvent vraiment aussi prendre cet enfant. Oh, tu es là, petite fille, mais lui, la petite naïve ou le petit naïf peut penser que c'était de l'aide qui lui vient, mais malheureusement, ça s'empire. Donc, c'est des enfants qui sont non-retour aussi à travers tout ça. Donc, tu ne peux pas voir ça et rester indifférent. Alors, ici, c'est une petite image de comment on circule quand on va en mission. Quand on est là-bas, c'est les taxis-motos. C'est des motos comme ça pour se déplacer. On n'a pas toujours des taxis de ville, là, mais ça, c'est des... Tu peux passer on appelle ça des taxis-motos. Ici, c'est un peu le CEA, là-bas, le CEA Caleb. Donc, c'est les personnes qui sont à l'ONG là-bas qui nous donnent un coup de main, parce que sans eux, on peut tout faire d'ici, mais il faut vraiment des personnes qui nous aident à gérer sur place. Donc, c'est dans des pasteurs et puis des gens aussi dans l'église locale qui participent bénévolement à cette œuvre-là. Donc ici, nous avons des jeunes enfants du centre avec Rita Grégoire qui est à Québec. Et donc, on fait des activités où les enfants écrivent à leurs parrains des cartes de reconnaissance. Et souvent, quand on va renouveler aussi le matériel qui est là pour aider des enfants. On fait des partages de cadeaux, donc on les amène souvent des affaires et qu'on leur donne des petits cadeaux, ils sont tout contents. Puis là, on voit les cahiers Canada, là, c'était une sœur qui avait donné ça, avec on a donné ça aux enfants, ils étaient contents. Alors c'est moi puis Rita, sur notre terrain, on avait construit un puits pour pouvoir faire un forage plus tard, donc on était à côté de ce puits pour avoir de l'eau sur place, sur le terrain. Donc ici, c'est un temps de repas, donc on est à table. c'est ça, activités, on fait des activités de coloriage et tout ça. Donc ils sont tellement contents quand on fait des moments comme ça. Alors voici, notre but à Projet Caleb, c'est vraiment d'aider les enfants de 0 à 18 ans et les aider jusqu'à la formation complète après qu'ils soient sortis du centre. Parce qu'à 18 ans, ils ne peuvent plus être dans le centre. Il faut être à l'extérieur du centre parce qu'ils sont... c'est selon les lois, là. Et puis, donc, Anne, cette jeune femme, elle était parmi les premiers enfants accueillis au centre. Et puis, elle a pu avoir une formation en informatique pour être secrétaire. Donc, on a payé la formation pour elle. Puis aussi, avant tout, on l'a envoyé aussi à Jeunesse en Mission pour faire une école de disciples afin de s'épanouir, pour développer vraiment une relation avec Dieu. Et parce qu'elle était vraiment beaucoup blessée avec la mort des deux parents. Et on les a pris trois frères ensemble. Et on voit comment après la formation à Jeunesse en Mission, elle a pu s'épanouir, puis prendre sa place. Puis là, aujourd'hui, elle est mariée. Puis elle a rencontré aussi son mari à Jeunesse en Mission. Et donc ça nous réjouit de voir qu'on peut vraiment les amener jusqu'au bout. Après la formation, c'est pas toujours évident de trouver une job. Mais on les aide encore là jusqu'à ce que vraiment ils trouvent quelque chose de stable, prêt à s'envoler. Donc, je vais vous parler un peu de Jemima. Jemima, c'est un cas d'enfant qu'elle était bébé dans le bras de son autre frère. Son frère, c'est comme ben, tous les enfants du centre sont devenus frères et sœurs. Donc, Jemima donc, a été ramassée dans les ordures. Oui, on l'a trouvée bébé là, à peut-être un ou deux jours de sa naissance. Quelqu'un qui allait jeter ses ordures le matin et puis il a trouvé là quelque chose qui bougeait. Donc il regarde, c'était un bébé qui était encore enveloppé de son placenta et vraiment comme ça là. Donc il a pris le bébé puis il l'a amené à la police. C'est la première chose que les gens font, ils l'amènent à la police. Et la police l'amène à l'hôpital pour les premiers soins. Alors, comme ils savent que l'ONG Caleb est là pour prendre soin des enfants, malheureusement, c'est que les gouvernements n'ont aucune structure. Ils n'ont pas de structure pour accueillir des enfants dans ce genre. Il y a des bureaux là, administratifs, mais il n'y a aucune structure, une maison, quelque chose pour accueillir ces enfants. Donc, j'imagine que si on ne faisait rien vraiment, qu'est-ce que va devenir cet enfant? C'est donc, nous, on a accueilli Jemima et on a vu que Jemima était aveugle. Elle est vraiment aveugle. On se dit peut-être que c'est un virus ou en tout cas un microbe qui a dû abîmer ses yeux. On a fait les tests de comment on appelle ça? Ophtalmologue, en tout cas. Ophtalmologie. En tout cas, on lui a fait des tests des yeux. Puis, il voit que les nerfs sont vivants. Donc, ça veut dire que ses nerfs des yeux fonctionnent, mais c'est quelque chose d'autre qui a dû abîmer ça. Et bon, mais elle est tellement joviale, elle grandit bien, elle est très joyeuse, toujours joyeuse, puis elle aime aller à l'église, elle chante, elle aime beaucoup chanter les chants d'église, et vraiment, c'est touchant de voir comment que. Elle peut s'épanouir et elle a commencé cette année, en tout cas pas cette année, mais déjà depuis l'an passé, une école pour les aveugles. Donc à Parakou où on est situé, il y a un centre pour les aveugles. Donc ils peuvent commencer à aller à l'école pour pouvoir avoir de l'éducation aussi. C'est sûr que ça nous coûte un peu plus cher pour pouvoir, ça coûte un peu plus parce qu'il faut donner des soins supplémentaires pour elle. Donc Privos aussi, c'est un petit dont la maman est décédée à l'accouchement. On a plusieurs cas d'enfants où les mamans décèdent. Ils viennent vraiment des campagnes reculées. Ils n'ont pas d'hôpital. Il n'y a pas l'hôpital si proche. Donc, ils vont dans des dispensaires de secours. Et les infirmiers qui sont là essayent de faire de leur mieux. La maman est en situation d'urgence, mais il n'y a aucun moyen de secourir. Alors, il faut juste sauver le bébé, point. Alors, ils vont seulement soit ouvrir le ventre ou même l'anesthésie est mal mise, donc c'est plus que c'est la portion qui devait être mise. Et des fois, c'est une hémorragie qui commence et ils ne savent pas le stopper. Donc, la maman va décéder et le bébé est vivant. Donc, c'est des cas comme ça. Puis, nous, on reçoit ces bébés-là à une semaine de la naissance, puis on en prend soin. Alors voilà, Merveille, une petite fille qu'on a pris temporairement, mais on l'a gardée jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Puis là, sa maman est stable, elle était vraiment instable. Donc on a pris en charge cet enfant depuis, elle avait 4 mois. Sa maman, elle s'en allait la nuit, elle la laissait seule. Une jeune maman, puis après ces années, elle est revenue, elle est stable, puis on a vraiment testé pour voir qu'elle est stable, prête à reprendre l'enfant et on l'a remis l'enfant de ses mains. Donc, c'est vraiment un sujet de joie de voir comment on peut vraiment aller de loin, plus loin avec ses enfants et voir le changement qu'il y a eu des années après. On a la petite Dorcas et son frère Clément sont venus aussi. Leur maman était décédée, le papa était dépourvu, il ne savait pas quoi faire. Et c'est vraiment des cas d'enfants reculés dans les campagnes où il n'y a pas d'issue pour eux. Et donc, ils étaient vraiment malnutris. Les cheveux étaient... Tu sais, nous, on a les cheveux noirs. À moins que tu sois comme... On a les cheveux noirs. Quand tu vois que ça vient roux, c'est la malnutrition. Donc, à peine tu as des cheveux là, mais c'est roux. Puis le ventre ballonné, les deux. Et ils avaient entre 2 ans et 1 an. Donc, vraiment, là, le ventre ballonné, ils n'allaient pas bien. Donc, on a vraiment travaillé fort à faire les soins pour eux et les nourrir bien. Et tout à coup, ils ont commencé à être bien. Puis, ça part tout seul, le ventre, quand tout l'enfant est bien nourri. Il fallait les déparasiter aussi des parasites intestinaux. Donc, tout ça. Et aujourd'hui, ils sont vraiment épanouis. Clément, son frère, est en 6e année. Et Dorcas, malheureusement, elle est la plus vieille, mais elle a un déficit d'attention. Et on n'a pas de structure pour elle. On n'a pas de... C'est ça, dans la ville, il n'y a rien qui peut aider pour qu'elle puisse avoir une formation ou vraiment un encadrement. Puis à la dans le centre, c'est comme un peu dérangeant. Des fois, elle fait des bêtises, mais elle est toujours souriante et gentille, mais on sait qu'elle a vraiment besoin. Donc, on n'a pas pu trouver une situation pour elle jusqu'à maintenant. Et l'année, il y a 2 ans, quand on est parti, on a décidé, au moins, parce que son père est comme gardien d'une ferme. Et il élève des poules, puis il est gardien de tout ça. C'est quelqu'un qui l'a. C'est justement un pasteur de l'église qui fait partie aussi du CA, qui a une ferme. Donc, son père, à elle, est gardien là-bas. Et on a finalement demandé à ce qu'elle aille habiter avec son père. Au moins, ça va l'occuper de voir les poules et les chèvres. Là, ça va. C'est mieux que d'être au centre. Donc, finalement, elle, on l'a. Mais on continue de lui donner le soutien pour que le papa soit en mesure de pouvoir ses petits besoins. Donc, voilà le dernier bébé. Il a maintenant bientôt 2 ans, Josué. Josué, sa maman est décédée suite à... On l'a trouvée morte derrière une case. Chez nous, c'est les cases, là, les maisons en terre battue. Ils étaient dans une soirée familiale et voilà, d'un coup, elle était allée faire un besoin. Des fois, chez nous, tu t'éloignes un peu, là, tu n'as pas de toilettes. Il y a des villages, il n'y a pas souvent des toilettes, même des latrines. Mais tu peux aller faire ton besoin un peu à quelques mètres de la maison, dans la brousse. Et du coup, elle est tombée là parce qu'elle accouchait. En fait, c'était pour accoucher. Alors, elle a accouché seule, elle était loin du monde. Et ça a déclenché une hémorragie. Et après, les gens la cherchaient. Et à l'aube, on l'a trouvée morte. Puis le bébé était à côté. Donc, ils l'ont amenée à l'hôpital. Et c'est ça, le centre Caleb et l'hôpital, ils nous connaissent, fait qu'ils l'ont référé directement à nous. Et donc, Josué est tellement cute. Mes enfants me disent, maman, il faut qu'on l'adopte, il faut qu'on l'amène ici. Mais c'est pas évident. Je le ferais, moi, là, comme ça, là, l'amener, oui. Mais les conditions sont très, très serrées. Donc voilà, Josué avec sa sœur au centre. Sa petite sœur à 6 ans, son père l'amène et dit, bon, comme je n'ai rien à donner, je pourrais au moins donner sa sœur pour aider à laver ses couches. C'est la mentalité, hein. Donc imagine-toi la petite de 6 ans commencer à faire ci, faire ça. Ben non, automatiquement, on nous dit, ça se peut pas. On lutte contre ça, on veut qu'elle aille à l'école et tout ça, donc... On l'a inscrit à l'école, donc on a les deux frères avec nous. Ici, ben, c'est la clôture qu'on a réalisée en 2015. On avait des problématiques, on nous volait le terrain et on a perdu 1,5 hectare de terre. Parce qu'en Afrique, quand tu n'as pas vraiment clôturé ta parcelle, eh bien, tu es victime de vol. Et pire encore, par la suite, on a su que c'est même les gens de la ville, du gouvernement même, là, c'est de la ville qui nous ont volé ça. Mais c'est tellement compliqué pour aller rechercher ça que, bon, ben, on laisse faire, puis on a seulement su récupérer les 2 hectares qui nous restaient et faire vraiment une clôture en barbelé avec les bétons pour délimiter le terrain. Et là, voilà le gros projet sur lequel on est en ce moment, c'est la construction de notre bâtiment. Ça faisait 10 ans que la fondation avait été posée. Et malheureusement, 10 ans plus tard, suivi du décès, on n'a plus le temps, les moyens non plus de maximiser sur la construction, mais tout ce qu'on faisait, c'est vraiment de prendre soin des enfants. On avait loué un local dans lequel les enfants sont hébergés. Et là, depuis 2015, c'était notre rêve de pouvoir réaliser la construction de ce terrain. Et c'est ainsi que le miracle s'est produit pour nous l'année, c'est ça. Enfin, avant notre voyage en 2015, Et Dieu m'a surpris. J'étais là, je devais faire ce voyage, je n'avais pas le billet d'avion. Et on dit, Seigneur, comment on va faire? Et quoi? J'ai une amie qui parlait de Caleb à une de ses amies, disant que ben il y a une mission bientôt au Bénin. Si tu as à cœur de bénir ou de faire quelque chose, elle dit que c'est une femme qui est dure de cœur pour donner. Elle a les moyens, mais pour donner, c'est difficile. Puis, en tout cas, elle lui a partagé comme ça. Et miraculeusement, moi, j'étais allée chez ma copine. J'ai quitté chez nous. J'ai dit, Seigneur, je vais aller prendre un temps à part. Je n'ai prié pour vraiment prendre du temps, prier pour mon billet d'avion et prier pour le projet de mission qu'on avait. Je suis allée, elle avait voyagé, elle m'avait laissé sa maison. Et je suis partie, c'était comme 11 heures le soir, il pleuvait ce soir-là. J'arrive, elle m'a dit, la clé serait là, à telle place. Je cherche. Je trouve pas la clé. Alors, j'étais revenue déçue. Je suis retournée à la maison déçue de pas avoir pris mon temps. C'était une fin de semaine. J'étais déçue d'avoir pas pris le temps que je voulais de prier, jeûner, prier, invoquer Dieu. Je suis repartie. J'ai prié, mais pas comme je voulais. Et le lundi, j'ai un coup de fil. Il y a une sœur qui m'appelle. Elle dit, Lydie, cette nuit, j'ai pas dormi. Le Seigneur m'a mis à cœur de payer la moitié de ton billet d'avion. Ok, elle me donnait $1,000 pour le billet d'avion. Et c'était vraiment surprenant. Je disais, ouais, le Seigneur vraiment peut surprendre. Tu sais, je voulais prier de façon, avec ferveur, tout ça, mais j'ai pas pu le faire. Mais au-delà de cela, Dieu voyait mon cœur, puis il m'a surpris. Et ainsi de suite, dans la même semaine, nos billets d'avion étaient comblés. Il y a une sœur qui a dit, Arita, je vais payer ton billet d'avion. Et moi, ben, il y a un autre frère qui s'est levé quand on partait, Rita partageait à l'église comment que on veut faire cette mission. Et voilà, et ce frère était touché. Il a dit, bon, je donne $2,000 pour votre billet. Et notre billet, on a pu vraiment, 10 jours avant notre départ, on a pu payer le billet d'avion. Et 2 jours avant le départ, mon ami m'appelle de Bromo et dit, Lydie, j'ai une enveloppe pour toi, je sais pas c'est quoi, mais la sœur, elle m'a remis une enveloppe pour un don pour Caleb. Et j'ai dit, ouvre-le. Elle dit, non, c'est en ton nom, c'est pour Caleb. Je vais venir avec, puis on va ouvrir ensemble. Alors, elle est venue chez nous et j'ouvre l'enveloppe, je vois $10,000, projet Caleb, un chèque, d'un coup, comme ça, vraiment, on sautait de joie. Mon ami sautait de joie, elle se cognait les pieds contre les portes de la maison, et puis elle, après, elle dit, j'ai eu mal aux pieds, mais j'étais vraiment dans la joie. Parce que je m'attendais pas vraiment à ça, et moi non plus, moi, quand ça arrive comme ça, c'est pas, je vais sauter. Mon corps chauffe du coup, là, je me sens comme, alors, émue de joie. Et c'est ainsi qu'on a pu commencer à lever les murs avec ça. Et mes amis, qui sont mes partenaires en Suisse aussi, ont fait un souper spaghetti et ils ont ramassé $6,000. Et avec ça, on a pu avoir au moins un bon 15 000 pour pouvoir investir à lever les murs de ce bâtiment. Et alors, on est maintenant sur la prochaine étape de pouvoir mettre la toiture. Et c'est là qu'on a fait, Dieu a ouvert les portes aussi au mois de novembre. Une femme aussi, on partageait sur la mission et c'est ainsi que cette femme est pas chrétienne du tout. Elle était invitée par Rita parce que ils ont une coopération pour les artisans ou de la région de Sainte-Claire et puis, elle est venue pour partager, le retour de mission. Et quand on a fait ce partage, elle dit non, là, ça va faire là, on va faire de quoi? Elle a pris le projet en main, puis elle a dit, bon, on va organiser un souper. Et elle a organisé un souper en notre faveur. Et cette soirée, on a ramassé 10 500 ronds. Donc, ça a été vraiment la façon miraculeuse comment Dieu peut vraiment nous surprendre. Parce qu'il y a des moments où vraiment on rushait. Je disais, Seigneur, des fois, j'ai l'impression de ramer de l'autre bord, à l'autre au sens courant. Parce que, si on fait des activités, tout ça, puis, donc, mais là, ça a donné vraiment un encouragement, c'est dans notre persévérance. Alors, donc, c'est ainsi que nous sommes dans ce projet. Donc, dans les prochaines semaines, on va entreprendre la toiture. Donc, avec ce montant d'argent qu'on a pu avoir. Et on attendra pour les portes et fenêtres et le crépissage. Chaque étape, Dieu est fidèle pour nous surprendre. Donc, projet Caleb œuvre dans ce sens vraiment pour répondre au cœur de Dieu et voir des enfants libérés de la souffrance. Et quand ce projet, Quand j'ai ce projet était là, j'avais déjà la compassion pour cette œuvre de voir les enfants en difficulté et tout ça. Mais ce qui m'a beaucoup pris, c'est de savoir pourquoi il a fallu que je devienne veuve et comprendre encore, parce qu'on avait à cœur d'aider les veuves, d'aider les orphelins. Mais j'avais la compassion pour ça. Pourquoi il a fallu que je devienne veuve et de mais est-ce que c'est ça Dieu voulait ou non? Pas forcément. Mais au travers de ça, je peux voir la douleur d'un enfant qui a perdu son père, qui espère de voir son père, voir les autres enfants dont le papa est vivant et qu'eux, ils n'ont pas leur père, ils n'ont pas eu l'opportunité de le connaître comme ils l'auraient souhaité. Et comprendre la douleur aussi d'une veuve. Mais je veux dire merci aussi au Seigneur d'être venu au Québec, qui nous a amené ici, et que les conditions de vie sont différentes par rapport aux veuves en Afrique ou un peu partout dans le monde, dans les pays en difficulté. La douleur reste la même, pareil, parce que ce besoin-là du père est là, et la veuve est vraiment délaissée à elle-même dans ces régions, dans ces pays. Et en Israël aussi, quand je lisais les articles, je voyais pourquoi Jésus voulait vraiment que Dieu, le cœur de Dieu était sur les veuves et les orphelins, parce qu'elles perdaient leur identité quand elles n'avaient plus de mari, tout s'arrête là. Et les enfants sont laissés à eux-mêmes parce qu'il n'y a aucune structure d'aide pour ces enfants. C'est moi, j'étais missionnaire ici, j'avais pas non plus droit à la rente des veuves parce qu'on était missionnaire, donc on n'avait pas droit à un retour du gouvernement par rapport à rente de veuve ou d'orphelin, mais je veux dire, dans la condition où j'étais, c'était moins pire que ceux qui vivent en Afrique. De plus, ça m'a aidé à comprendre la douleur de ça et la douleur, en tout cas dans les deux sens. De savoir que eux, c'est pire ce qu'ils vivent encore, et on ne peut pas rester indifférent à cela. C'est qu'au travers de toutes ces choses, le Seigneur, il nous relève, et vraiment de toucher et de voir vraiment la bonté de Dieu au travers de l'épreuve. Et c'est vraiment, ça vient ébranler ta vie. Mais Dieu, il reste vraiment, il reste fidèle. Et c'est cette fidélité que j'aimerais partager parce que je vais switcher en même temps. Je vais switcher en même temps avec cette exhortation que je vais apporter ce matin sur l'affermissement. Et quand on parle de ce comme disait Carl tantôt, tu l'as lu, hein, je l'ai lu aussi dans le dictionnaire, puis ça parle, c'est vraiment l'action d'être fort, de demeurer ferme ou d'être fortifié, être affermi. Et pour moi, pour moi, comme je le vois, je crois que c'est ça aussi le cœur de Dieu, c'est quand on vient au Seigneur, on reçoit Jésus dans notre vie, c'est là la vie commence, là, vraiment. C'est là la vie commence, la vie de Dieu en nous, dans notre chair, on doit combattre pour marcher, pour aller de l'avant. Et on va lire ces passages bibliques, là, ces versets, parcourir ces versets. Sur Jacques 5, 8. Ce sont des promesses, des exhortations aussi que le Seigneur nous donne. Voici, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs sur l'avènement car l'avènement du Seigneur est proche. Le prochain verset, 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Le prochain verset de Colossiens. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Amen. Et puis, on a Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les mets en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et la suite de l'autre verset, pour paraphraser, dit le contraire. Donc, la pluie, pour la personne qui a construit sa maison sur le sable, donc, les vents sont venus, les vents ont soufflé, la pluie est tombée, l'orage est venu, et cette maison, elle est tombée en ruine. Et quand Jésus parlait de cela, c'est pour nous, c'est pour chacun de nous ce matin, parce qu'on a un long chemin à faire, un long chemin. Dès qu'on reçoit Christ, la vraie vie commence. Et être affermi, c'est vraiment un élément clé dans nos vies qui nous permet vraiment de nous forger, de nous préparer d'avance à qu'est-ce qui peut arriver. Parce qu'on va pas, on pourra pas éviter les épreuves. On pourra rêver d'avoir un paradis où on est quelque part, peut-être on va loin de tout le monde pour fuir tout ce qui pourrait arriver de mal, loin du mal. Mais le mal est là. Le mal est là parce que notre nature a été corrompue par le péché et le mal, il va nous retrouver là où on est. Alors, l'importance vraiment de pouvoir rechercher, d'être affermi. Et j'imagine un peu, moi-même j'ai besoin d'affermir mes muscles là, quand je pensais à ça. On a tous besoin d'affermir nos muscles. Je vois ceux qui vont souvent au gym là pour faire des exercices physiques, manger comme il faut, avoir une bonne nutrition pour garder, se maintenir en force et être fortifié dans notre corps, être capable de résister à la maladie. Ce sont des bons exercices que, humainement parlant, le monde fait et pour pouvoir se garder en forme. Mais pour nous, c'est la parole de Dieu et demeurer en prière. Et se nourrir de la parole et la mise en pratique de la parole nous aide vraiment à se fortifier et à garder une fermeté inébranlable. Parce que si on ne commence pas maintenant, ça va nous surprendre. On va être vraiment comme la personne qui dit, « Ok, je construis ma maison, que okay, je masse ma maison, c'est moi, hein. » Donc, je suis là, j'avance jour après jour, je prends un peu ce que je peux, puis ma foi, ouais, je crois en Jésus, puis c'est correct, j'avance. Par contre, dans cela, quand le vent viendra, c'est là que tu vas déterminer vraiment qui tu es, où tu te trouves en ce moment-là. Et c'est important que chaque parole que nous recevons, ce soit à travers la prédication ou notre lecture quotidienne, de s'approprier de ses paroles de vie et ses promesses. Parce que suite à ça, le Seigneur nous donne cette promesse qu'il lui-même nous affermira. Mais il y a une part, parce qu'il nous exhorte aussi à rechercher d'être affermi. Notre part est là aussi, à vraiment cultiver avec ferveur la parole de Dieu en nous. Cette culture vraiment se développe dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Et être capable de résister au moment venu, parce que les vents pour nous, c'est pas vraiment, il y en a qui le vivent face à face, les ouragans quand ça vient frapper comme Haïti et toutes ces choses physiques, mais c'est le spirituel qui marque plus notre vie, parce que on marche comme des êtres spirituels vers Jésus, et c'est là nous sommes attaqués, dans nos pensées, dans notre chair, et si la parole de Christ n'est pas là, si mon fondement n'est pas en Jésus, vraiment je vais passer à côté. Je vais me relever, c'est sûr, mais vraiment ça c'est toujours dur dans l'épreuve quand le vent frappe, c'est jamais doux. Quand on est vraiment éprouvé, on est vraiment en chèque, comme on dit. J'ai connu des moments d'ébranlement où vraiment j'ai été vraiment ébranlée quand malgré tout j'ai mis ma foi, ma confiance en Dieu, et que à l'hôpital quand on me disait voici le décret du docteur, des médecins, c'est fin de vie. On s'est agenouillés nous deux. On s'est mis au pied du lit, puis on a prié, on dit « Seigneur, c'est à toi le dernier mot. » Parce que nous, on croyait, on était sur le champ missionnaire, passionné de prier pour les malades, passionné de prier, de voir les cancéreux guéris. Et on était dans cette passion-là, prier pour les gens et voir libérer de leur puissance des ténèbres qui les gardaient captifs. Et on se disait, oui, on est vraiment venu ici comme missionnaire, vraiment pour vraiment marquer notre temps dans cette nation, le Québec. Et du coup, tu vois, ça vient te pointer comme ça, ça vient te balancer, déstabiliser complètement. Ça, c'est quelque chose. La foi dans la guérison que tu ne retrouves pas finalement. Alors, tu es vraiment ébranlé quand tu reviens à toi-même. On dirait que quand c'est arrivé, j'étais comme... J'avais une ferme assurance d'un miracle qui allait venir, même après la mort. Mais quand je me suis retrouvée, après qu'il a été enseveli, que je me retrouvais seule avec les enfants, que je ne le vois plus là où il était, c'est quelque chose. Tu es vraiment ébranlée. Et c'est dans ces moments-là que Satan n'est pas gentil, ne sera jamais gentil. C'est là qu'il vient vraiment t'assommer de plus. C'est soit je me laissais assommer ou je décidais qu'est-ce que je voulais en ce moment. Mais je savais que mon fondement, là, c'était incontournable. Christ était le rocher de ma vie. Et c'est ça qui m'a maintenue. Et l'affermissement, ça ne vient pas quand l'épreuve est là. Ça vient déjà. On s'affermit d'avance. Et ce matin, c'est vraiment encourager chacun de nous à se repositionner dans notre position en Christ, ce rocher. Est-ce que je suis vraiment plantée dans ce rocher-là? Est-ce que le ciment, le béton a coulé? En tout cas, c'est là que vraiment on doit travailler à cela pour que quand ça vient, on soit en mesure de dire, OK, là, je lève ma tête. Là, oui, c'est ça, mais Satan, c'est non. OK, la vie est finie, ça va être plat, tu ne pourras plus avancer, tu ne pourras plus rien faire. Tu vois, Dieu, là, vous êtes en mission depuis des années, tu vois, il n'y a rien fait. Comment se fait-il que lui, il priait pour le monde, il aimait ça et tout ça, puis voilà, Dieu l'a pas sauvé. Mais j'ai dit non, je choisis une chose, Christ sera mon appui, et quels que soient les vents, je resterai sur le rocher de ma vie qui est Jésus. Je m'appuierai sur lui et résister à ses pensées, c'est là qu'il vient nous tuer davantage, nous amortir. Et oui, tu perds des nuits où tu dors pas, tu perds des nuits où, c'est ça, tu dors pas, c'est tout. Et dans ces moments-là, c'est comme, ça roule à fond. Mais c'est qui ton fondement? Et à ce moment-là, tu fais appel. Dans les larmes, je priais. Dans les larmes, mes prières sont devenues des chants. Et je n'aurais jamais pensé que je pourrais sortir un album un jour, mais c'est au travers de ça que j'ai pu sortir mon premier album intitulé « Je m'appuie sur toi » parce que réellement Jésus était là. Parce que quand tu vois tout ce qui s'est passé, il faut vraiment se référer à la parole quand vient ces moments de trouble. Parce que Jésus a passé par là, les disciples ont passé par là. Et dans l'Ancien Testament, plusieurs situations où les gens ont vécu la mort, ils ont touché à la mort, ils étaient dans le feu. Mais Christ était présent dans ce feu-là. Et pour moi, qui suis-je? Le bois sec. Alors, le bois sec doit vraiment retrouver sa force en Jésus pour être capable de ne pas se faire brûler. Amen. Et notre point fort doit vraiment être ça. Et au-delà de cela, nous devons persévérer. Parce que la parole nous le recommande aussi, de persévérer après avoir tout surmonté. Oui, Dieu m'a donné la grâce vraiment de surmonter. C'est un processus. Même aujourd'hui encore, tu sais, il y a des flashs qui viennent, des flashs du passé, mais je dois courir ma course. Il y en a qui sont déjà arrivés à la course, peut-être par la mort, peut-être c'est le temps de Dieu. Il a permis ce qui est arrivé. On sait que c'est pas le plan de Dieu que tout ça arrive, mais le péché a fait que tout a été pollué et que notre corps physique mortel doit subir la mort. Mais quand ça vient, c'est vraiment pas, on l'accueille pas toujours, on l'accueille jamais la mort. On l'accueille jamais, quelle que soit la façon elle vient, on l'accueille pas, on n'est jamais familier à ça. Mais nous qui sommes là, nous devons courir. Et dans notre course, eh bien, dans la persévérance, qui est vraiment le moyen, le seul qu'on doit tenir jusqu'au bout. Sans ça, on est vraiment perdu. Alors, je vais vous raconter une histoire brève sur la persévérance, une histoire des animaux. Donc, on parle un peu du roi de la forêt qui décide qu'il veut marier sa fille. Alors, on a le lièvre, le chien et le singe qui se sont dit, OK, nous, on veut participer à la course pour arriver donc à la maison, pour arriver à marier la fille du roi. Bon, chacun s'est dit, le singe a dit, moi, là, je sais sauter d'arbre en arbre. Je suis sûr de moi, cette course, je vais la gagner. Je suis sûr de là où je suis, là, moi, de bondir d'arbre en arbre, là, j'arrive en un clin d'œil. Rien ne peut m'arrêter. Le chien, il dit, moi, je sais courir. Je vais vraiment courir. Cette course, je vais la gagner. Le lièvre sait courir aussi, mais il sait bien que le défi est là pour lui entre le chien et le singe. Mais le lièvre a trouvé un moyen de contrecarrer les deux autres. Bon, la course est partie. Mais avant ça, le lièvre a dit, bon, le singe, je sais ce qu'il aime. Il aime les bananes jaunes. Il en a mis dans son sac. Le chien, il aime les os. Avec quelques morceaux de chair entourés, là, et il en a mis quelques os dans son sac. La course a commencé. Ça avançait. Ça avançait. Tout d'un coup, le lièvre dit, bon, là, ça commence à chauffer, là. Il sort la banane, il garoche, là. Le singe, il a fait son bond de pour continuer. Il voit une banane qui floche, qui tombe de l'autre bord. Ouh, je peux pas laisser ça. Ça, c'est impossible. Je peux pas laisser ça. J'ai le temps en plus. Bondir d'un arbre à l'autre, c'est rien. Alors, je prends le temps. Il mange sa banane. Pendant ce temps, le lièvre a avancé sur lui. Et pendant qu'il était en avant, le chien aussi faisait ses bonds là pour arriver. Là, du coup, il sort encore un os de son sac, il balance, là. Le chien, il fait un bond, il fait un retour en arrière. Ouh, les os, je peux pas laisser ça. Je vais vite manger ça. Il s'assoit, là, puis là, il mange ça. Pendant ce temps, le lièvre avance. Il a fait ça tout le long jusqu'à, il a gagné la course. Mais personne n'aurait pensé que le lièvre aurait gagné la course. Parce que, le chien était sûr de lui-même. Le singe était très sûr de lui-même. Le lièvre, il savait qu'il pouvait courir, mais pas comme eux. Mais il a trouvé le moyen de les ralentir. Et il y a des passages bibliques qui nous exhortent à cela, de comment que il vient vraiment... Satan, son but, c'est de nous ralentir. Et on va lire le verset qui... On va lire ce verset... Il dit dans Matthieu 7, 26. Non, c'est pas ça. Excusez. C'est ça. Hébreux 12, 1. Il nous dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et dans cette petite histoire que j'ai racontée, ça définit vraiment cela, de voir comment que le péché dans notre persévérance peut venir facilement nous ralentit dans notre marche. Et le lièvre peut être défini un peu comme Satan, qui connaît un peu nos faiblesses, nos manquements. Il nous connaît. Et il sait où nous chercher, où nous trouver. Mais tout cela dépend de comment on est affermi aussi. Parce que si, quand on est venu à Christ, on est affermi, on développe notre relation avec Dieu et on sait vraiment comment amener notre chair sous la grâce de Jésus pour que l'Esprit de Dieu domine sur notre chair et rompre avec tout ce qui est tout ce qui facilement nous, ouais, notre passé en fait, qui peut revenir. Mais dans la parole, on peut facilement être émondé par la parole. On peut être émondé de toute œuvre de la chair qui nous garde captifs. Et dans cela, dans notre persévérance, Satan nous connaît. Et nous aussi, on doit chercher à nous connaître aussi, à savoir où je suis. Est-ce que je suis vraiment fondé? Ou est-ce que je me laisse vraiment transporter facilement par le péché ou des circonstances de la vie, comment qu'elle vient m'assommer ou comment qu'elle peut vraiment vite m'accaparer ma capacité de fonctionner dans ma marche. Donc, le péché vient si facilement. Nous sommes tous, on n'est pas à l'abri, on est dans ce monde et notre foi doit être testée. Et donc, c'est à cela que Dieu nous interpelle aussi à rejeter. On doit s'examiner, donc dans notre persévérance, dans notre marche, on peut être sûr de nous-mêmes comme le singe et le chien. Je peux être sûr de moi aujourd'hui là où je suis, ok? Je garde ma foi inébranlable, je vais vaincre si je vais vaincre ça. Mais il ne faut pas que ce soit dans un esprit d'orgueil ou de quoi que ce soit, mais que vraiment je puisse avoir cette assurance que, ok, dans ma marche, ça peut arriver. Mais comment je vais contrecarrer cela pour que l'ennemi ne gagne pas le terrain? Et moi, je ne veux pas que l'ennemi me dévance. Là. Le lièvre, c'est comme Satan qui a quand même pu gagner la course. Là. Mais nous encore, on est sur le chemin. On n'est pas encore arrivé à la ligne d'arrivée. Amen. Dans notre marche, on en a besoin d'être affermi et de pouvoir persévérer. Et de nous dégager de tout ce qui vient facilement nous troubler. Quand on est faible, on a cette assurance que Jésus a promis qu'il sera là lui-même. Il va nous fortifier. Quand il voit comment nous-mêmes on est déterminés et qu'on peut s'approprier de notre position en lui, de notre fondement en lui, c'est là que Jésus, par notre part de volonté, il va appuyer et nous fortifier, nous rendre inébranlables à la fin. Amen. Donc ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse garder ce focus et garder la foi, l'affermissement par la parole et la prière fervente aussi, et nous rejeter facilement le péché qui vient contre nous. On va faire avec lui jusqu'à la ligne d'arrivée. Soit la trompette sonne, soit que c'est par la mort, ou quel que soit le moment ou l'incident qui nous amène à la ligne d'arrivée, eh bien, persévérons, car il a promis que la couronne sera pour nous, il sera avec nous. Amen. Alors que nos yeux soient fixés sur Christ, focusés pour arriver à la ligne. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, Lydie, pour ce témoignage à la fois touchant, à la fois très véridique. À la fois qui te fait réfléchir sur bien des situations qu'on vit où bien souvent on se plaint, puis on réalise que wow, il y en a qui sont dans des situations pas mal plus dans le besoin que nous.